instant charmant où la crainte fait trêve, où nous sommes deux seulement. Viens, Manon, en marchant, je viens de faire un rêve. En fermant les yeux, je vois là-bas une bleue retraite, une maisonnette toute blanche au fond des bois. Sous ces tranquilles ombrages, les clairs et joyeux ruisseaux, douce mire, le feuillage, chante. C'est le paradis, tout est là, triste et morose, car il y manque une chose, il y faut encore. Notre vie, si tu...